بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في سورة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في العيد والجمعة. On commence aujourd'hui une sourate grandiose et certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam la récitait le jour du Eid et aussi le jour du Jumu'ah durant la prière. وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّنَا عَلَى أَهَمِّيَةِ هَذِهِ السُّورَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam يَقْرَأُهَا فِي هَذِهِ الْإِجْتِمَاعَاتِ الْمُهِمَّةِ. Et cela nous montre l'importance de cette sourate. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la récitait lors de ces rassemblements importants. Et cette sourate, c'est sourate Al-A'la. Wa hiya suratun makkiyah. C'est une sourate qui fut révélée durant la période mécoise. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit après la basmala, Sabbihisma rabbika al-A'la. Sabbihisma rabbika al-a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, le plus haut. Aïe sabbih, ya Muhammad. Et donc glorifie, ô toi Muhammad. Wat tasbihu huwa tanzih. Aïe tunazzihu Allah ta'ala amma la yaliqu bih. Et tasbih. Ce qui est voulu par la glorification ici, c'est le fait de rejeter tout ce qui ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Fal muslimu yusabbihu Allah ayunazzihuhu an kulli ma la yaliqu bi. Et donc, le musulman va glorifier son Seigneur, rejeter tout ce qui ne convient pas le concernant. Fal muslimu la yumathilu Allah bil makhluqat. وَلَا يَقُولُ إِنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ لِأَنَّ هَذَا فِيهِ تَشْبِيهٌ وَتَمْثِيلٌ بِالْمَخْلُوقِ الضَّعِيفِ. Et donc le musulman, il ne va pas dire que son Seigneur a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est reposé le septième jour. Car il y a en cela une ressemblance avec la créature faible. وكذلك المسلم لا ينسب الولد الى ربه لان هذا ايضا فيه تشبيه بالمخلوق الضعيف الذي يحتاج الى والد وولد. Et de la même façon, le serviteur, le musulman, il ne va pas attribuer un enfant à son seigneur, car il y a aussi en cela une ressemblance envers la créature faible qui a besoin d'un enfant et qui a besoin de parents. Et en ce qui concerne la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, sabbih isma rabbika al-a'la, loue le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Faqala ba'du al-ulama al-murad sabbih bismi rabbika al-a'la. Certains savants, ils disent que ce qui est voulu par là, c'est glorifie par le nom de ton Seigneur, Al-A'la. Ce n'est pas glorifie le nom de ton Seigneur, mais glorifie par le nom de ton Seigneur. Ay annaka tusabbihu Allah ta'ala dhakiran ismahu. C'est-à-dire que tu vas glorifier ton Seigneur en citant son nom. Li'anna at-tasbih wa at-tanzih قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب واللسان معا. Car la glorification, le fait de rejeter tout ce qui ne convient pas concernant Allah, cela peut se faire par le cœur, et cela peut se faire par la langue, et cela peut se faire par le cœur et la langue ensemble. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية تنزيه الله تعالى بألسنتنا. Et cela nous montre, ô mes frères, l'importance. Quant au fait de rejeter tout ce qui ne convient pas à Allah par nos langues. La yaliq. An ya'ish al-muslim fi hadhihi al-bilad. Yasma'u al-shirk. Wa yasma'u al-ta'an fi Allahi rabbil alamin. Thumma yaskut la yatakallam. Il n'est pas convenable que le musulman il habite ici dans ces pays. Il entend le manque de respect envers Allah, tabaraka wa ta'ala, les critiques et autres. Et ensuite il ne parle pas, il reste là. Ce n'est pas convenable. Sabbih isma rabbika al-a'la. Tu rejettes tout ce qui n'est pas convenable concernant ton Seigneur, avec ton corps, avec ton cœur, mais aussi avec ta langue. Mais aussi avec ta langue, rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change de ses mains, fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Et s'il n'a pas la capacité, alors par sa langue. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhaka ad'afu al-iman. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Nous devons parler, on ne t'a pas demandé d'insulter, de manquer de respect, mais défends ta religion. Montre aux gens la vérité concernant cette belle religion qu'est l'islam. Wa dhakara Allah ta'ala fi hadhihi al-aya wasf ar-rububiyyah. Fa huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Idhan huwa al-mustahiq lil-ibadah. Et Allah ta'ala, il cite dans ce même verset la caractéristique, le caractère de seigneurie. Et donc, c'est lui le créateur, celui qui accorde la subsistance, c'est celui qui gère toutes choses. C'est lui qui mérite, c'est lui le seul à mériter d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Oh Jean, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et celui qui a créé les peuples d'avant vous. فمن أعجب الأمور إقرار العبد بكون الله تعالى خلقه ثم يعبد غيره. Et parmi les choses les plus surprenantes, le fait que le serviteur admette que c'est Allah qui l'a créé. Et qu'ensuite, après cela, il va adorer autre que Allah. Ça fait partie des choses étonnantes et contradictoires. Il y a dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifie par le nom de ton Seigneur le plus haut. Ithbatu ulouwi Allahi ta'ala. Le fait d'affirmer, il y a dans ce verset le fait d'affirmer le fait que Allah est élevé. Et alhamdoulillah, ce sujet, on en parle ce soir. Et subhanallah, ça sera aussi le sujet de samedi. Et subhanallah, aussi le sujet de dimanche. Et donc, inshallah ta'ala, ce week-end, on sera dans Al-Uloum. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala est élevé au-dessus des cieux. On va aborder ce sujet, ainsi que Aqwal al-Mukhalifin, les preuves, et on va répliquer, inshallah ta'ala, leurs diverses ambiguïtés. Pas toutes, mais on verra quelques-unes de leurs ambiguïtés, bi'idnillahi ta'ala. Fallahu ta'ala min asma'ihi al-Ali wal-A'la. Et donc Allah, parmi ses noms, il y a al-Ali, celui qui est élevé. Al-A'la, celui qui est le plus haut. فَنَتَعَجَّ مِنْ قَوْمٍ يَمُرُّونَ بِهَذِهِ الْأَسْمَى بِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ ثُمَّ لَا يُثْبِتُونَ عُلُوَ اللَّهِ. Il est surprenant de voir des gens qui vont lire ces deux noms d'Allah Ta'ala et ensuite ils ne vont pas affirmer que Allah est élevé au-dessus des cieux. وَعُلُوُ اللَّهِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ. Le fait que Allah est élevé, cela se divise en deux. Quels sont les deux types? Ulu al-dhat, ulu al-sifa. La sifa, c'est plus général. Et donc, on a le caractère élevé d'Allah par son essence et son caractère élevé par ses attributs. subhanahu wa ta'ala. Fa'uluhu al-dhat, ay anna allaha mustawin ala arshihi fauqa makhlouqatihi. Et donc le fait que Allah est élevé par son essence, c'est le fait que Allah est établi sur son trône au-dessus de ses créatures. Wa'uluhu sifah, c'est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a les attributs les plus parfaits. C'est lui qui a les attributs les plus parfaits. Allah Ta'ala qui nous dit « وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى » Alors que Allah seul appartient les caractéristiques les plus parfaits. فَالْإِنسَانِ أَعْلَمَ عَنْدَهُ رَأْسُهُ فَيَنْزِلُ وَيَضَعُ هَذَا الرَّأْسَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَكُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. Et donc l'être humain, ce qui est la partie la plus haute de son corps, c'est sa tête. Il va donc se rabaisser et poser cette tête sur le sol. Et ensuite dire « Sabbih isma rabbika » « Subhana rabbi al-a'la » Voilà, il va dire « Subhana rabbi al-a'la » alors qu'il est prosterné. Il va donc se rappeler à ce moment-là, au moment où il a mis sa tête, la partie la plus élevée de son corps, il l'a mise à la partie la plus basse, le sol, là où les gens marchent, il va se rappeler du fait que son Seigneur est le plus haut. Et va faire donc et tasbih, le fait de glorifier son Seigneur. وَجَاءَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدِ من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى. Il a été rapporté donc que dans le Musnad de l'imam Ahmed, aussi dans le Sunan d'Abi Daoud, selon Ibn Abbas, que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il récitait le verset سبح اسم ربك الأعلى, glorifie par le nom de ton Seigneur le plus haut, il disait Subhana Rabbi al-A'la. Cela était aussi rapporté de Ali ibn Abi Talib et d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala qui nous dit par la suite Alladhi khalaqa fasawwa. La création. فالله تعالى هو المتفرد بالخلق. Allah est le seul à créer. Il n'a aucun associé en cela. On a le verset qu'on a déjà abordé plusieurs fois ici dans cette mosquée. La parole d'Allah Ta'ala تبارك الله أحسن الخالقين. Le meilleur des créateurs. Est-ce que cela signifie qu'il y a d'autres créateurs que Allah, le meilleur des créateurs? Naam. J'entends là, j'entends là, j'entends naam. Fait Allah yakhluq min adam. Wal-insan yakhluq min yuhawil. Et donc, Allah Ta'ala, sa création, il crée à partir de rien. Il est le seul à pouvoir créer à partir de rien. Tandis que l'être humain, lui, lorsqu'il va créer, il va faire une transformation. Quelque chose qui existe déjà, mélanger avec une autre et en faire quelque chose. Et donc c'est ce qui est voulu ici dans ce verset. Et donc si un chrétien vient te voir, attention, vous aussi vous dites qu'il y a plusieurs créateurs, etc. Ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas dans le piège. Ce qui est voulu ici, lorsqu'on a le Khaliqin au pluriel, c'est ce caractère. Le fait donc que l'être humain a la capacité de transformer les choses. Comme Issa, alayhi salam, وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Et je crée pour vous à partir de l'argile comme une forme d'oiseau dans laquelle je souffle et qui devient un oiseau par la suite par la volonté d'Allah. Et je crée pour vous. Et donc ici, il a fait une transformation par la volonté de son Seigneur, Isa alayhi salam. Ta'ammalou fi hadha ayyuhal ikhwa. Méditez sur cela, ô mes frères. Ça, c'est spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de créer à partir de rien. Personne ne lui est associé en cela. Personne. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Ya ayyuhan nas, durib mathalun fastami'u la. » Ô gens, une parabole vous est présentée. Alors écoutez-la. Inna alladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba wa law ijtama'u la. Certes, ceux que vous adorez en dehors d'Allah n'ont pas la capacité de créer ne serait-ce qu'une mouche, même s'ils s'unissent pour cela. Tous ceux que vous adorez en dehors d'Allah, tous, sur toute la terre, toutes les fausses divinités que vous adorez, même s'ils se réunissent pour créer une mouche, ils ne peuvent pas le faire. Et si cette mouche leur prend quelque chose, ils n'ont pas la capacité de la récupérer. Comme sont faibles le sollicité et le solliciteur. Le solliciter, la mouche, c'est elle qui est sollicitée pour rendre ce qu'elle a pris. Et le solliciteur, ces fausses divinités qui vont chercher à récupérer ce qui leur a été pris. Comme ils sont faibles. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى دَرَبَ لَنَا مَثَلًا بِمَخْلُوقٍ مِّنْ أَضْعَفِ الْمَخْلُوقَاتِ. Allah Ta'ala, il nous a montré l'exemple d'une créature qui fait partie des plus faibles des créatures. La mouche. Toutes les fausses divinités, même si elles se réunissent, ne peuvent pas créer cette mouche qui fait partie des plus faibles des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Min ademin. Naam. Et donc, qui fait partie des créatures les plus faibles d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne peuvent pas la créer. Aujourd'hui, les gens, ils sont contents parce qu'ils ont réussi à fabriquer des robots qui vont bouger un peu dans tous les sens, qui vont parler, qui vont répondre à des questions, etc., etc. Mais est-ce que ce robot que tu as créé, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme qui a des sentiments, qui est capable d'avoir des sensations, de ressentir, etc.? Non. Et donc, que dire? L'homme, il n'arrive pas à le créer. Que dire de cette mouche? Que dire de cette mouche? Et donc, comme on l'a dit souvent, les frères, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah, c'est lui qui nous a créés à partir de rien. C'est lui qui nous a tout accordé à chaque fois que tu respires. Et malgré ça, l'être humain va lui accorder un associé. Et après, tu vas trouver ceux qui ont compris. Ils ont compris qu'on doit adorer que Allah seul. Mais ils vont avoir cette gêne. Cette gêne de dire la vérité. Allah, il t'a créé. Ne sois pas gêné de dire la vérité. Ne sois pas gêné quant au fait de dire aux gens « La tushrik billah !» Ne fais pas de polythéisme. Il faut parler, les frères. Il faut qu'on arrive à prêcher les gens pour leur montrer la vérité. Ce n'est pas normal qu'on se taise après tout ce qu'on voit autour de nous. Il faut qu'on se rééduque par rapport à ça, qu'on enlève cette peur qu'on a. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on continue concernant le tafsir de cette sourate la semaine prochaine. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbu wa arda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum barakallahu.